1990, je sors des couilles de mon père. J'ai déjà une sœur et trois frères, on habite à la Rouguère. La famille s'agrandit, la maison est trop petite. On trouve un T4 à Herbel, on déménage vite. Je suis encore petit pour me rappeler du parcours. Quand je prends conscience, j'ai 12 ans, posé en bas des tours. Je suis encore jeune mais j'aime déjà pas les cours. Je suis un élève trop agité, rien que je me bats dans la cour. Et pour diverses raisons, je vois plus mes grands frères à la maison. Plus tard, je comprendrai qu'ils étaient tous en prison. Papa était maçon, maman était femme de ménage. Le salaire est léger pour les chocs à piquer le manège. Merlige, à 14 ans, collège d'Arès Millau. On sait que pas plus précisément, j'étais loin du million. Ces années-là, c'était chaud, je suis négligé par mes profs. Je vais te dire, voilà, je suis même négligé par mes proches. Je pourrais tout te raconter, mais par pudeur, je vais pas le faire. Par pudeur, je vais me taire. Écoute, je sais ce que c'est de se faire descendre par les siens. Fallait m'acheter des habits au lieu de me crier pour rien. Au lieu de me frapper pour rien, je redoutais même le matin. Je sortais à 6h pour éviter les coups de poing. Et ça m'a forgé. Pour me défaucher, j'ai trouvé RG. Même pour manger, pour m'habiller, j'ai trouvé RG. Et à 15 ans, j'écris mon premier texte. Premier groupe, premier vol, première pute, première ex. Premier son, y'a ceux qui se moquent et y'a ceux qui m'encouragent. J'ai compris qu'il y a des mauvais, j'ai filtré mon entourage. Je traîne avec Reda, Etienne et Gouldo. Après les cours, on vole des dessins sans dans les sacs à dos. Bref, toujours dans la musique, même si je suis instable. Je suis repéré par Alonso, ils me partagent sur Insta. Et je leur remercie parce que c'était pas facile. Il m'a dit, fouette, vas-y, tu vas tout baiser dans la zig. Et je m'arrête pas, je pose des sons, je rêve de les descendre. Je choque des personnes et ton paradis, ils ont vu mon côté sombre. Je vais pas te parler des producteurs qui me l'ont mise. On va pas leur donner de l'importance, ce n'est que partie remise. En parallèle, je rencontre la femme de ma vie. Mais ça, ça regarde pas les gens. Abou m'a dit, raconte pas tout, frère, internet c'est méchant. Et puis en parlant d'Abou, présent depuis le début, m'a permis de tenir debout dans ce milieu de pute. J'écris ce son pour mes frères, toujours là quand je me sens mal. J'écris ce son pour Fletch, Gouldo, même Oussama.